Bonsoir Christophe, nous venons de finir donc un webinaire que tu as donné sur ton livre Affaires privées. Tu as pu parler pendant 1h30, 2h de la notion de capitalisme de surveillance. Et c'était dans le cadre des rencontres OpenESR avec InnoCube, mais aussi Accu Research. Et l'idée ici, dans toujours cette perspective qu'on a avec Accu Research de hacker un peu la recherche, d'être inspiré sur des alternatives actuellement qui seraient possibles pour l'enseignement supérieur à la recherche, j'aimerais te poser deux questions. La première question, c'est sur la posture actuellement de chercheurs, mais aussi de personnes qui sont en dehors de la recherche, qui sont des data scientists et qui, d'une certaine façon, peuvent participer à ce capitalisme de surveillance, c'est-à-dire à l'automatisation des décisions avec finalement tous les traitements algorithmiques qu'on peut faire sur les données. Quel moyen d'agir, quelle posture à avoir aujourd'hui face à une réflexion critique qu'on peut avoir sur ce capitalisme de surveillance? J'avais commencé mon intervention tout à l'heure en parlant des ingénieurs, en citant des ingénieurs. Donc, en fait, dès les années 60, il y a déjà chez les ingénieurs, chez les concepteurs des machines, des infrastructures de réseau, des questions vraiment brûlantes qui se posent sur justement l'utilisation qui est faite des données. Si on regarde dans la littérature plus récente, ben, ce sont des spécialistes, eux aussi, qui se posent les mêmes questions. Je pense à, par exemple, Cathy O'Neill, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, Algorithme, la bombe à retardement. C'est une mathématicienne, une data scientist, hein, qui se définit d'ailleurs comme ça. Bon, elle montre à quel point, finalement, le solutionnisme technologique qui est derrière certains dispositifs du capitalisme de surveillance, crée des biais, crée du tri social, crée en fait de l'exclusion. Et finalement, elle est loin d'avoir tort. Et voilà, donc là où ce que je veux dire là pour l'instant, c'est que les ingénieurs, les informaticiens, et aussi les gens qui prennent des décisions au niveau de la mise en œuvre des dispositifs dont on parle, ont tous une forme de responsabilité. Alors, cette forme de responsabilité, elle n'est pas obligée d'être endossée systématiquement, hein. Attention, je ne dis pas ça. Il faut bien vivre, il faut bien que la gamelle se remplisse le soir quand on rentre. Ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir quel est le lien qu'on fait entre le choix des technologies et le choix de société. La responsabilité, elle doit être endossée de manière collective, c'est-à-dire que les choix qui doivent être faits à partir d'un certain moment doivent être aussi assumés collectivement. C'est ce qu'on fait à Framasoft, en tout cas, en essayant de développer des solutions qui ne sont pas seulement des alternatives logicielles, mais qui sont aussi des solutions qui relèvent d'un véritable choix collectif. C'est pour ça qu'on a monté, par exemple, le collectif des chatons, c'est-à-dire que ce sont des hébergeurs alternatifs qui, finalement, sont tous d'accord sur la base d'une charte pour, finalement, ne pas entrer dans le système productiviste qu'on connaît actuellement. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des entreprises, au contraire, il y a des entreprises dans les chatons, mais en tout cas, le système de la data, du merchandising de data, de marketing, de derrière, de tout ce que sous-entend finalement la surveillance des données des utilisateurs, tout cela n'est pas obligatoirement une fin pour l'innovation. Je veux dire, faut arrêter avec ça. À un moment donné, on a aussi besoin de structures et de dispositifs qui soient vraiment utiles. Et pas seulement qui soit systématiquement basé sur ces modèles biface, hein, c'est Jean Tirole, hein, qui travaille sur cette question-là. Les modèles biface, c'est quoi? C'est l'idée que derrière un service, on peut très bien fournir du service gratuit de manière à faire une plus-value qui va être tellement plus valorisable que le service de base qu'on offre au départ. Typiquement, c'est le moteur de recherche qui va pomper vos données en vous proposant pomper les données pour faire comment dire, de l'économie avec les data, tout en offrant la possibilité d'enrichir en plus ces bases de données en faisant du mailing et autres services plus ou moins pertinents. Et tout à l'heure, tu l'as abordé hein, sur le rôle de l'engagement individuel et collectif. Il y a aussi beaucoup cette idée, là, c'est plus sur une démarche comment est-ce qu'on concilie, quand on est à la fois chercheur et engagé, comment est-ce qu'on met finalement ses recherches un peu au service de son engagement, mais vice-versa? En fait, j'ai trois facettes, hein, puisque je suis en charge des affaires européennes au CHU de Strasbourg. Donc, en fait, c'est un engagement d'hospitalier. Mon premier engagement, il est hospitalier, hein, évidemment, au départ. Alors, pourquoi je m'occupe de ce genre de choses? Parce que ma formation elle-même a fait que je dispose, en fait, d'une méthodologie. Et bon, ben voilà, j'aime bien écrire. Donc, c'est une affaire de goût et de choix personnel. Mais comment est-ce qu'on concilie les deux? C'est-à-dire que on peut toujours faire des recherches en se sentant un petit peu comme en dehors de son objet de recherche. C'est une posture qui est tout à fait valable. Je dis, j'en discute pas, j'en disconviens pas. Mais si les projets de recherche eux-mêmes sont désincarnés, je pense qu'à un moment donné, on perd pied. Alors, pour ce qui concerne mon bouquin, en fait, il faut voir les choses à l'envers. C'est parce que je m'implique dans Framasoft, dans le livre, dans la culture libre, qu'à un moment donné, je me suis posé un certain nombre de questions qui ont fait que, ben voilà, je me suis dit, bon, c'est vraiment le moment d'ouvrir un bouquin, parce que, justement, on n'a pas cette approche. Et l'approche que j'ai trouvée, c'est que le capitalisme de surveillance est d'abord et avant tout un modèle d'affaires qui fait que nous sommes dans un modèle capitalistique qui, à un moment donné, pose problème. Mais il pose problème pourquoi, pour quelles raisons, et comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé avant? Parce que, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que les mêmes questions, celles qui nous occupent aujourd'hui, datent des années 60. Elles sont récurrentes à travers toute l'histoire de l'informatique. Puis bon, bah, l'histoire de l'informatique, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je suis moi-même fasciné littéralement par les grosses machines des années 60, 70, c'est vraiment quelque chose qui me fascine vraiment. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir assez de connaissances en informatique pour pouvoir vraiment m'y intéresser. Sinon, derrière moi, il y en aurait une. Alors, comment est-ce qu'on concilie ça? Moi, ce qui m'étonne toujours chez les chercheurs, c'est cette course, vraiment, à la publication et au projet. À un moment donné, il faut quand même s'arrêter et se poser des bonnes questions. Je ne suis pas le seul à le faire. Il y a beaucoup de chercheurs qui s'arrêtent et justement se posent des bonnes questions. Beaucoup même qui démissionnent de leur place. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à deux choses. On parlait tout à l'heure de culture libre. Je pense que quand on regarde un petit peu le rythme des publications scientifiques, articles et ouvrages compris, quand on met un peu le nez sur le monde de la publication scientifique, on s'aperçoit d'un truc. C'est qu'on n'a jamais autant produit d'articles, de connaissances scientifiques. On n'en a jamais autant produit et elles n'ont jamais aussi mal imprégné la culture et la population. Je trouve, vraiment. Pourquoi? Bah parce que déjà, il y a des grandes firmes qui s'occupent des publications scientifiques. Et ces grandes firmes-là ont tendance à faire un truc qui est vraiment catastrophique, c'est l'accaparement des informations scientifiques de manière à pouvoir vivre, en fait, des data qui sont générées par l'attention qui est occasionnée par la lecture des œuvres scientifiques. Première chose. Deuxième chose, le nombre d'espaces de publication aujourd'hui ne suffit pas pour absorber tout l'ensemble des connaissances qui se produisent. La preuve, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de publications scientifiques? On a des publications scientifiques occidentales. En ce qui concerne l'Orient, la Chine, etc., là aussi, il y a des grosses boîtes qui se dégagent, mais en ce qui concerne le Sud, c'est comme s'il n'y avait pas de chercheurs. C'est faux. C'est entièrement faux, sauf qu'ils n'ont pas les sous qui vont avec pour publier. Ils n'ont déjà pas beaucoup d'argent pour faire des projets de recherche, mais en plus, ils n'ont pas les sous qui vont avec pour publier. Ça me pose quand même certains problèmes, certains points aux entournures, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment faire de la recherche si ce n'est pas, d'une part, pour la partager, mais aussi pour partager les espaces de recherche. Donc, la question du libre derrière, elle est où? Ben, elle est dans le fait que toute recherche, à mon avis, et en particulier toute recherche publique, quelle qu'elle soit, qu'elle soit d'ordre scientifique, médical, physique, biologie, toutes les disciplines possibles et imaginables, elle devrait être, aujourd'hui les outils numériques le permettent, elle devrait être librement accessible et librement distribuée. Il faut arrêter de corréler la distribution et l'accessibilité. On peut distribuer sous forme de revues, il n'y a pas de problème, revues papier ou pas, d'ailleurs, sur des supports qui sont plus ou moins utiles, mais en tout cas, l'accès doit être absolument libre et ouvert à tous. Comment j'ai réussi à faire mon bouquin? Franchement, c'est pas en allant à la bibliothèque, et c'est pas en allant sur les sites que l'université à laquelle j'appartiens me permet d'aller, c'est grâce à SciHub, par exemple. SciHub me permet d'avoir un accès à une bibliothèque mondiale, des vieux trucs, hein, des vieux trucs d'universitaires qui n'ont jamais été republiés parce qu'ils sont maintenus par des systèmes de droits d'auteur qui sont vraiment à gerber. Enfin, pardon pour le mot, mais c'est vraiment ça. Donc, le fait de ne pas avoir accès à des éléments aussi importants me semble, à moi, quand même assez problématique. Après, le travail d'archive chez un historien, c'est autre chose. Il faut quand même y aller à un moment donné physiquement, pouvoir consulter des vieux papiers qui, eux, n'ont jamais été mis sous forme numérique. Mais quand même, au bout d'un moment, on a accès à ce genre de choses, et même la numérisation permet ce genre de choses aussi. Donc c'est possible d'avoir quand même des accès, mais à quel prix? C'est au prix d'un temps fou passé à travailler à l'accès, pas seulement à travailler l'archive, mais à travailler l'accès à l'archive. Ça, je pense que vraiment, quand même, on est en 2020, j'avais les mêmes problèmes en 2004 quand j'ai fait ma thèse. Des prédécesseurs que je connais, lorsqu'ils faisaient leur thèse dans les années 90, avaient les mêmes problèmes. Je veux dire, on fait quand même du surplace, là, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, j'avais publié en 2010 un petit article qui est pas du tout, qui est sous licence libre, hein, qui est pas du tout validé dans une revue, un comité de lecture, etc., sur le fait de mettre ces œuvres scientifiques sous licence libre. Donc, pour moi, c'est la condition sine qua non. Et quand je dis une licence libre, c'est pas une licence qui va donner une clause, par exemple, non dérivative ou non commerciale à l'œuvre. C'est-à-dire, il faut vraiment que ce soit quelque chose de complètement libre. Alors après, se pose toute la question de l'évaluation. C'est pas parce que je mets quelque chose sous licence libre que c'est forcément un bon travail, mais l'évaluation peut très bien se faire a posteriori. Je veux dire, on peut très bien créer des listes repères où vont apparaître des œuvres qui, elles, sont licences libres, mais en fait, derrière, avec une évaluation qui se fait a posteriori. Pourquoi pas? Mais ce ne sera que l'évaluation. Et là encore, il faut arrêter de corréler l'évaluation et la publication. Il n'y a aucune raison de le faire. Donc voilà, ce qui concerne la recherche, c'est des idées un petit peu radicales, mais il me semble qu'il faut à un moment donné se poser les bonnes questions.